Ce sont les meilleures équipes. Ici, Dia le best man, Schaften. The main event. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Die Besten, les meilleures équipes, the champions. Bonsoir, des bâtons d'Anguirou, fin de saison spéciale, lendemain de fête de la musique, c'est parti, mais juste avant. Happy birthday to you, Coach Luke. Happy birthday to you, Coach Luke. Happy birthday to you, Coach Luke. Happy birthday to you. Et merci à tous et joyeux anniversaire à tous. Je me présente, je m'appelle Manuel. Fan de foot, je crois que ça ne personne sans doute. Le problème, c'est que j'ai jamais le droit d'évoquer mon club de foot préféré. Alors pour tout ça, excuse-moi, Rabessandra Tana. C'est vrai que c'est moche de pas être marseillais, mais j'ai jamais pu supporter l'OM, oui l'OM. J'suis à deux doigts de révéler tout le drame de ma vérité. Alors pour tout ça, oui excuse-moi, mais Sandra Tana. Et c'est du radio galère, à Marseille ou ailleurs, le foot c'est corollaire, ce jour dans la lima, avec une bande de fous, des bâtons d'Anguirou. Je me présente, je m'appelle Brett Sinclair, avant de faire des PDGR, j'étais pas clair. À la Jeanlin, je croque un curly et j'envoie le bousin, le bousin. Ces silences vous donnent la goutte au front. Je suis un mur dans une chemise de coton. Car ce que j'aime moi sont les bas-fonds du ballon. Se partager le ciel, prendre des coups de soleil, se rouler sur la pelouse, choper des coups de blues et finir sur les genoux. Des bâtons d'Anguirou. Je me présente, je m'appelle Dandé. Je voudrais bien emballer le monde en beauté. Faire pleurer les filets, filets, comme autant des grandes épopées. Mais pour tout ça, il faudrait que j'abonde sur le rinté. Croqueur, nous sommes à moi tout seul. Je vais casser des reins et que ça roule sur la feuille, sur la feuille. Je vais être un punch planteur, une danseuse aux pieds chocolat. Pour chahuter dans les bistrots, dans les opéras. La chronique du docteur, magique commentateur, ne soyez pas jaloux. Des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou, des bâtons d'Anguirou. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue pour cette dernière émission de Des Bâtons d'Anguirou, spécial lendemain de Fête de la Musique avec ce soir au sommaire et sur le plateau mon cher Brett. Bonsoir mon cher Manuel, en effet comme vous l'avez compris j'imagine, ce soir c'est musique. Nous on est plus malin, on le fait pas le 21, on le fait le 22, c'est bien mieux. Avec nous Coach Luc sur le plateau et Dandé, trois musiciens de talent que je vous laisse présenter. Dandé. Alors, à la basse, on a l'excellent David Merlot, à la guitare, c'est l'ami Croquette, qu'on ne présente plus, l'ami de nos soirées marseillaises, et à la batterie, vous reconnaîtrez le talent inénarrable de Damien Ravnich. Mais bien sûr, une belle émission de Des Bâtons d'Anguirou, ça ne saurait être sans notre duo de commentateurs magiques, avec justement Magic. Bonsoir Magic. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend bien sûr Magic. Ah, vous m'entendez, oui. Tu peux éteindre le bouton rouge. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à tous nos auditeurs, nos auditrices. Je suis avec mon ami le shérif, on est à la buvette là actuellement. De San Siro, on non? Je savais pas que ça allait commencer si vite. À la tienne. Et donc là pour l'instant il y a toujours 0-0. Je vous rappelle qu'on suit la demi-finale de 1991 Marseille-Milan. On est bien parti avec notre cher président qui nous a mis tous les moyens pour récupérer cette coupe aux grandes oreilles qu'on n'a jamais eu encore pour l'instant. Et écoutez, il y a une folle ambiance dans ce stade Vélodrome. Je passe la parole à mon ami shérif. Allô? Oui, shérif. Oui, shérif. Je ne vous entends pas là, je suis avec Vata, j'ai la main de Vata dans l'oreille. Il en reste un petit peu là, ouais, du Vino Tinto pour vous. Je ne vous entends pas, mais je vous embrasse très fort, ça me fait bien plaisir d'être là avec vous. Enfin, on va la voir a priori, je vous entends pas. Bah, ça fait bien plaisir de vous retrouver, chers amis. Écoutez, moi je ne vous entends pas, j'ai du Vino Tinto dans l'oreille et avec la main de Vata dans la bouche et je cherche Magic. Magic! Oui, tout à fait, je suis là, je crois qu'on va directement retourner sur le stade ou pas encore. Pas encore, tout à fait, ok. Ben, on se retrouve tout à l'heure, n'hésitez pas, nous sommes prêts et nous sommes chauds. On signale à nos auditeurs que ce soir également nous accompagne aux manettes dans le car régie, l'ami Rico. Rico! Rico qu'on salue bien fort, on lui fait des coucous, on lui fait des bisous. Et oui. Salut Rico! Ça gaz. Au sommaire donc ce soir, mon cher Brett, beaucoup de chansons. Vous nous en dites juste deux petits mots comme ça pour... Oui, ça serait vendre la mèche avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, des chansons qu'on a composées nous-mêmes sur des tubes que vous allez reconnaître, évidemment, des tubes célèbres, mais qu'on a rendus, je pense, un petit peu meilleurs. Il va y avoir un certain nombre de chansons accompagnées par les musiciens, d'autres accompagnées moins par les musiciens sur le plateau, mais quand même, voilà, on va se régaler. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est parti, mon kiki. Eh ben, maintenant, un petit portrait brésilien pour commencer. C'est une histoire marseillaise qui démarre à Sao Paulo. Tu devais naître avec les gènes d'Edson Arantes do Nascimento. Mais tout près de Copacabana ne naissent pas seulement des chats. Et c'est plutôt sous le signe du taureau que tu fis tes gammes et puis devins pro. Et tout d'un coup, tu débarques au vélodrome pour nous montrer ta technique digne d'un Stallone. On attendait des dribbles fous, chaloupé tout en tempo. Tu nous as donné de la sueur, de toi trois buts rageurs et une allure de bonzaï. Brandao, Brandao, contrôle des genoux, frappe enroulé. C'est pas souvent carré, mais tu donnes tout et tu es pardonné. Brandao, Brandao, contrôle du dos, frappe à terre. Et c'est finalement toi qui qualifia l'OM contre l'Inter. Ton destin allait s'assombrir de quelques affaires fragiles, quelques coups de coude un peu sanglants, et sur la route d'Aix, une fille en paréo. Tu fus condamné à l'exil, bouc émissaire un peu facile. Mais tu fus complètement blanchi, défense imparable, je l'ai pas tout chao. On oublie tout de ces dérapages innocents, quand tout à coup tu marques du tibia contre camp. Et finalement tu nous rends croque près du vestiaire, soir de gala, lorsque d'un coup d'un boule de maître, geste certes un petit peu traître, tu aussi Thiago Motta. Motta. Brandao, Brandao, abus de mineur, tac par derrière. Tout ça n'est pas trop grave, car tu as fait rêver la ménagère. Brandao, Brandao, tu étais né pour nous prouver qu'un Brésilien peut être un magicien avec les pieds carrés. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'île. Et je crois, mon cher Brett, que c'est le moment de retrouver nos amis Magic et Sheriff au stade. On est à... Tout à fait, cher Manuel. On est en première mi-temps. On est en fin de première mi-temps. On n'est pas à la toute fin de la première mi-temps, mais ça se rapproche. C'est toujours un score de 0-0, je crois, Magic et Sheriff. Qu'en est-il ? Oui, bonsoir. Rebonsoir. Nous sommes effectivement à la fin de la première mi-temps. Oh, le contrôle de Jean-Pierre Papin qui a failli tout de suite tromper le gardien milanais, mais heureusement, il s'est ressaisi tout de suite. Il y a une folle ambiance ici à Marseille. Et d'ailleurs, je crois que c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu ? On revoit sur le ralenti de nos amis. C'est Chris Waddle qui littéralement s'est fait démonter par le grand et beau Paolo Maldini. Et ben voilà, l'arbitre a sifflé un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Mais que c'est chaud. Je ne vous entends pas, mais je veux bien prendre un grand et beau Martini, s'il vous plaît. Un grand et beau Martini pour moi, un beau et grand Martini, bien sûr. Ouais. Et nous jouons donc toujours la 30e minute de jeu. Chris Waddle, notre magicien, s'est relevé, il tire sa gueule d'anglais rageur. Mais je crois que tout le stade va le soutenir jusqu'au bout. À l'instant actuellement, tout à fait, Donadoni qui remplace Simeone. Sur le côté gauche, le jeu reprend. Abedi Pelé qui va faire un de ses dribbles chaloupés qui centre. Jean-Pierre Papin de la tête, Chris Waddle qui tire. Et le but ! Oh le but ! Ah le but, c'est magnifique ! Ah, une superbe reprise de volée de Chris Waddle ! Et tout le stade qui s'enflamme, c'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Nous avons un pied en finale pour l'instant, mes amis, c'est hallucinant, j'en crève. Mais c'est hallucinant, il n'y a plus de glaçons pour le Martini. Oh là là, alors là, je reprends mes esprits, excusez-moi, je me suis un peu emballé, mais pour l'instant, donc à la 30e minute de jeu, l'Olympique de Marseille mène 1-0 face à l'immense Milan, le géant dont tout le monde a peur en Europe. Eh bien nous, Marseillais, nous sommes en train de les dominer. Voilà, je vous repasse l'antenne quelques secondes pour me remettre de mes émotions. Et quelle émotion donc, et maintenant, laissons-nous kiffer d'être supporters avec un remix concocté par Coach Luc. Un remix. Laisse-moi kiffer le match avec mon cop, faire les fous sérieux, lancement de fou furieux. Je veux changer. Comme on dit faire l'amour et tirer dans le tas. Suffit pas de vivre une belle saison dans le mitnet, puis crève la civilisation. J'suis pas fan cynique et amer, j'suis pathologie, Mother Soccer. Il faut que tu troques ta peur ordinaire contre des ricanements vains et sincères. C'est par le bas-ventre aujourd'hui que l'homme il se prend pour lieu. Je sais que je suis pas héros salarié, mais mes dieux savent danser. Footix. Je sais que je suis une vie à crédit, je suis pas Friedrich Nietzsche. Footix. Laisse-moi kiffer les filles avec la rage, ressembler à mes ennemis quand le combat s'engage. Le vainqueur croit jamais au hasard. Laisse-moi kiffer le jeu d'un pendant l'âme. Laisse-moi kiffer le foot avec la zic. Chacun comme cache un cerveau qui s'astique. L'appétit mort pâle des honneurs. Laisse-moi kiffer le score comme un penseur. J'ai connu toutes les déchéances de près. Succès, raillerie, colère non désirée. La joie des petites. Accorde le coup comme ultime liberté. Je féconde les histoires du passé. Je rêve avant d'être trop vieux. Qui rira le plus fort, rira le dernier. Qui rira le mieux. Moi je suis moi dans l'écho d'un rien, rien qu'un tas de choses à prouver pour rien. Mouiller le maillot de haine à mon nom, rossignol de guerre pour décrocher le pompon. Le hooligan aime se saboter, se tirer une balle dans le pied. Toujours une bonne raison de gueuler pour un singe raté. Je sais que je suis femme jalouse, dévouée, je suis un poète affamé. Footix. Ce qui tue pas me rend plus banal, par-delà le bien et le mal. Footix. Laisse-moi faire le sport avec mes chants. Non, non. Mon langage et l'expression de ma cœur. J'pisse le sang dans les toilettes des dames. Laisse-moi kiffer l'enfer des sentiments. Non, non, non. Laisse-moi kiffer le fruit et l'éternité. J'cultive hardcore l'idéalisme compromis. Je renie la vie de merde qui m'a forgé. Laisse-moi kiffer le chaos avec mes conneries. J'suis fier de mon emballage couleur, de frère du dimanche, d'acrobate de cirque. La vanité du trop humain intoxique. Et dans le public, c'est pathos, c'est bonheur. Je repousse ce qui veut mourir. Je mords les couilles des masses pour jouir. L'addiction de plaisir, de douleur. Comme un enfant en cœur. Je parle d'un autre monde à inventer. Laisse-moi kiffer le foot, pas de panthéisme à renier. Demi-temps d'identité sponsorisée. Je touche au but, je vais me voir payer. Je reste toujours dans le troupeau. Je m'y oublie jusqu'à retomber à zéro. Bourgeoisie de la foule et du cri. Le jour ne verra jamais cette putain de nuit. Moi qui fais le match avec mon crew. Mon club de cœur se met à rondoyer. Et mon virage en Nietzsche enculé. Laisse-moi kiffer le foot avec nous et vous. Je sais que je suis pas une bombe fasciste, ni une blonde qatari. Footix. Je sais que je suis pas un plan de carrière, ni un chômeur solitaire. Footix. Je sais que je suis pas une secte mystique, ni un drone cynique. Footix. Je sais que je suis pas une peine capitaliste, ni une pute nihiliste. Footix. Je sais que je suis pas une national fiction, ni une native des générations. Footix. Je sais que je suis un vide postmoderne, un héros dans la naine. Footix. Je sais que je suis un récit contemporain, un passé de demain. Footix. Je sais que tout meurt et tout refleurit, pas de destin écrit. Footix. Et c'est maintenant l'heure de l'allocation téléphonique présidentielle. Dans le stade Vélodrome, il y a des molosses qui suent dans un tohu-bohu sur le vert Vélodrome. Dans le stade Vélodrome, ça donne du classico dans une ambiance d'hélium et de crachat de PO. Dans le stade Vélodrome, il y a des ultras qui hurlent quand Godin pose son sacrum pour soulager son scrofule. Dans le stade Vélodrome, il y a Payet l'ambitieux, mais Silva et ses cheveux rendent modeste le bonhomme. Mais dans le stade Vélodrome, il y a la tête à Gignac qui libère les ridules du sénateur au cognac. Il lance ses petits bras comme César en Gaule, mais bientôt elle flétrit au but de Matuidi. Mais dans le stade Vélodrome, il y a Mota qui a mal, qui a mal, qui a mal, et qui a mal encore. Il se tord et se vrille comme la belle Camille, et blanc et plus que blanc dans son bijou de famille. Et ça sent la danseuse, comme le disait bien Nietzsche, car le roi du hors-jeu, et Ibrahimovic, ça travaille son transfert et transfère son travail. Avec ce match gagné, je t'offrirai une coupée. Mais dans le stade Vélodrome, mais dans le stade Vélodrome, dans le stade Vélodrome, dans le stade Vélodrome. Au revoir. On remercie bien sûr monsieur le président, notre président. En régie, on nous réclame la fin de cette petite musique, mais voilà, c'est parfait. C'est l'heure du débat, chers amis. C'est l'heure du débat de Débattons d'Anguirou. Et ce soir, un thème formidable, mon cher Dondé. Il est question d'accordéon, il est question de terrasse de café. Est-ce qu'un joueur d'accordéon peut vous gâcher une soirée match en terrasse de café? Ou bien au contraire, peut-il sublimer cette soirée match? Le débat est ouvert. Peut-être la parole à vous qui êtes au stade, mon cher Magic, mon cher Shérif, pour démarrer sur cette question. Oui, allô? Oui. Oui, donc la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que ces connards de mecs qui jouent de l'accordéon dans les rues me niquent le match? Je vais vous dire la vérité, moi, ils ne me dérangent pas du tout parce que souvent, moi, contrairement aux faux supporters de football, ben, moi, je suis au stade et dans les stades, il n'y a pas de joueurs d'accordéon. Voilà, je vous remercie. Il y a une embrouille actuellement sur le stade avec les arbitres qui sont en train de réclamer des choses. En fait, les joueurs de Milan, ces Italiens, vous les connaissez, ils sont en train de réclamer des choses qui n'existent pas. Je vous redonne la parole. En tout cas, moi, les accordéonistes, j'aime beaucoup ça. Je ne vous entends pas. Un accordéon, c'est trois quarts de rhum, un quart de cognac et hop, un petit peu de suze là-dessous. Je ne vous dirai pas qu'il y a du tonique, mon vieux Manuel. Vous le savez qu'il n'y en a pas dans l'accordéon. Et en tout cas, moi, j'adore ça, l'accordéon. Je ne vous entends pas. À vous, les studios, je ne vous entends pas. Alors, en studio, on a un avis sur cette question. J'ai l'impression que oui, ça trépigne autour de la table. On veut se prononcer. Mais j'avais juste un avis sur le tonique. Je crois qu'il y en a, mais du tonique de la marque Dia, je crois. Mais... Je ne vous entends pas. Il n'y a plus de tonique ici. Je tiens à vous le dire au cas où vous me posez la question. Mais voilà, je vais être obligé de prendre une guitare sèche à la place. Deux tiers de vin rouge, un autre tiers de vin rouge et hop, un petit glaçon. Mais ouais, mais pas de tonique, non. Je ne vous entends toujours pas. Alors, Coach Luc, en préparant cette émission, vous aviez un avis tranché, vous, sur la question de l'accordéon. Vous venez du Doubs, hein, c'est un secret pour personne, le pays de l'accordéon. Et en ce sens, vous étiez plutôt défenseur, hein, je crois, d'accordéon. Oui, parce que dans le Doubs, il faut savoir qu'il y a quelque chose... Enfin, le Doubs fait partie de la Franche-Comté. Et en Franche-Comté, et oui. Chaque année, tombe ce qu'on appelle la Franche-Country, qui est donc un festival de musique country avec son lot de sioux et de grosses cylindrées. Et en fait, voilà, donc dans la Franche country, on aime l'accordéon, ça fait partie de la tradition. En plus, voilà, l'accordéon, c'est quand même un instrument à vent et le vent, c'est quelque chose d'important à Marseille. Ça, c'est vraiment une belle pierre à l'édifice. Ah ben, c'est une belle pierre à l'édifice parce que vous, Dondé, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu pour un match de foot en terrasse, il y a un joueur d'accordéon qui est intervenu. Vous êtes battu avec lui, il me semble. Hein. De but en blanc, comme ça, vous l'avez chassé de la terrasse. Il a cassé l'accordéon sur la tête. De but en blanc. C'est vrai. Alors, moi, je supporte pas du tout, en fait. J'aime bien être à fond dans mon match. D'ailleurs, je suis tout seul en terrasse, moi. Hein. J'essaie de faire le vide en fait, autour de moi pour être focalisé complètement sur le match. Et du coup, effectivement, il s'est approché de moi, comme ça, en venant jouer un petit peu. En plus, c'était un morceau des Gypsy Kings, j'aime pas du tout. Et du coup, ça collait pas du tout avec l'ambiance du stade, quoi. Moi, j'aime bien écouter les chants, et donc voilà, c'est vrai que je lui ai cassé l'accordéon sur la tête. Pour vous, le joueur d'accordéon casse l'ambiance. Et néfaste tout à fait. Au match de foot en terrasse. Alors moi, je voulais quand même vous interroger sur ceci. L'accordéon, ça peut être aussi assez tango. Et en ce sens, est-ce qu'un bon joueur d'accordéon ne pourrait pas accompagner un bon match de l'équipe d'Argentine? Voilà, c'est une question que je pose et qui me semble importante, mon cher Brett. C'est en effet une question hyper importante, mais encore faut-il regarder les matchs de l'équipe argentine. Ce que vous ne faites pas. Bah, je crois que personne ici ne regarde les matchs de l'équipe argentine, non? Enfin, il me semblait que c'était interdit, on regarde les matchs de l'équipe de France, les matchs de l'Olympique de Marseille, et éventuellement le club de Nantes pour vous faire plaisir, cher Manuel, mais... Mais l'accordéon avec le football club de Nantes, ça marche pas hyper bien. Vous feriez bien de regarder un petit peu plus souvent des matchs du club de Nantes. Avec le club de Nantes, c'est du jazz qu'on écoute, je crois. Alors, on écoute du jazz et éventuellement aussi un petit peu de bossa nova, puisque le rythme de jeu du FC Nantes se prête assez bien à la bossa nova, quelque chose de, de l'ancien se prêter assez bien. Aujourd'hui encore, parce qu'il me semblait qu'aujourd'hui, quand même, avec ce qu'ils font, à cause des ronflements, on n'entendait pas très bien la musique. Les ronflements des spectateurs. Non, vous devez confondre avec un autre club qui joue en jaune, qui s'appelle le FC Sochaux. Il me semble que, par contre, là-bas, effectivement, on s'endort plutôt souvent dans les travées des stades. Le stade Bonal. Oui, mais on peut même dire qu'aujourd'hui, au FC Sochaux, hein, les joueurs eux-mêmes dorment sur le terrain. Alors peut-être nos amis musiciens ont un avis sur la question de l'accordéoniste en terrasse. Peut-être vous-même avez-vous pratiqué plus d'une fois l'accordéon et la musique en terrasse pendant les matchs de foot ? Absolument pas, mais moi personnellement, venant d'une terre d'Ovalie et de l'ambiance qu'il y a dans les tribunes de l'Ovalie, je trouve ça très dommage que la musique soit bannie. Des tribunes de football. J'ai connu un champion d'accordéon. Exactement, mais il a raison. Comment ? Alors, bon, vous avez tous entendu, hein, je pense qu'il y a encore un avis contraire s'il avait besoin ce soir de... Je crois que l'accordéon est un instrument qui s'accorde avec les gens qui n'aiment pas l'accordéon. Je crois que c'est vraiment l'instrument qui pousse à la bagarre. Et la bagarre va bien avec l'accordéon. Voilà. Je pense qu'un joueur d'accordéon, il n'arrive comme ça au Panthéon, comme ça, il ne peut devenir vraiment une divinité de son instrument et rejoindre vraiment l'univers de la musique dans sa dimension la plus cosmique que quand son instrument est détruit à la fin du morceau. Faire caustique. Voilà, les accordéanistes, c'est des vrais rockers, quoi, à fond. Ils ont ça dans le sang. Ils sont faits pour se faire péter la gueule, quoi. Oui, il faut qu'ils cassent leur instrument à la fin du morceau. Hein. C'est obligatoire. Je ne sais pas si l'accordéon est un des instruments les plus faciles, par contre, à casser. Est-ce que c'est facile à casser un accordéon ? C'est très fragile. C'est très fragile un accordéon. Mais pour aller dans le sens de Coach Luc, Yvette Horner, c'est assez rock'n'roll comme ah, ouais. Oui, puis quand on voit sa figure, Yvette Horner, on se doute pas qu'elle s'est fait refaire quelquefois à coup de latte, hein. Bah, Yvette Horner, pour la petite histoire, a beaucoup pratiqué l'accompagnement de sportifs, puisqu'elle faisait les tournées du Tour de France. Alors comme quoi, l'accordéon peut s'accommoder du sport. Finalement, Yvette Horner en est la preuve. Alors est-ce que c'est notre débat, est-ce que le Tour de France est un sport ? Est-ce que le vélo est un sport ? Mais je sais que c'est sur ce c'est le docteur Lehmann qui nous serait très très utile pour parler de ce sujet. Et d'ailleurs... Il est en pleine chute de PO, quoi. Le docteur Lehmann brille par son absence ce soir, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on en est tous, bien sûr, extrêmement attristés. Le docteur Lehmann est alité ce soir. Comme Floyd. D'ailleurs, le joueur de Sochaux, il n'a pas joué à Sochaux, Floyd alité. Il faudrait demander à coach, ça. À Bastien. À Bastien. Évidemment, dès qu'un joueur alité joue à Bastien. C'est pas possible de savoir ça. Alors le docteur Lehmann n'est pas là, mais nous avons décidé ce soir, pour se faire plaisir, chers auditeurs, de diffuser non pas la deuxième, ni la troisième, ni la 25e chronique du docteur Lehmann. La première chronique du docteur Lehmann. La première, une des plus belles, certainement. Inaugurale, oui. Et c'est là qu'on va... On va passer en régie, on va donner non pas la parole mais la main à Rico. Rico va nous lancer cette belle chronique du docteur Lehmann. Le premier contraste qui saute aux yeux, si l'on s'amuse à mettre en parallèle les deux villes, c'est bien sûr leur âge respectif. Milan, fondé en l'an de grâce 1012, si l'on en croit son étymologie, fait figure de nouveau-né comparé à Marseille, la cité phocéenne, ayant quant à elle récemment fêté son 26e centenaire. On se remémorera à cette occasion, une fois n'est pas coutume, la dette encore vivace qui nous échoua vis-à-vis de nos ancêtres grecs venus poser les premières tomettes de la très prochaine capitale européenne de la culture. On ne manquera pas non plus de souligner que si les Phocéens, comme nous les soirs de match, se délectent principalement de grecs, c'est parce qu'ils se trouvent actuellement en Turquie. Notre bonne vieille ville de Marseille est donc 2,6 fois plus âgée que sa rivale italienne du soir. Pourtant, il n'en va pas de même pour les effectifs des deux équipes. À l'Internazionale Milano Football Club, club qui a en effet la réputation d'être aux petits soins pour ses joueurs, l'infirmerie ne désemplit que rarement. Les vétérans s'accrochent à leur prime de match, comme jadis leurs glorieux aînés légionnaires à leur lopin de terre. À moins que trop gourmands, ils ne puissent se dispenser des précieux compléments alimentaires qui relèvent ici pizza et pasta, et qui ont fait la réputation footballistique de l'Italie du Nord.

of some greedy swans. I can swear that I saw him diving into the deep waters of the Swansea Lake, and he changed himself into a greedy swan, into a greedy swan. Hey, are you, where are you? You've gone, Andrew. Are you, where are you now? Contraste qui saute aux yeux si l'on s'amuse à mettre en parallèle. Ah, ce bon vieux docteur qui veut revenir à la charge. Toujours qu'il la ramène. Alité comme pas deux, mais il a envie d'en être quand même. Hein. Bien joué, docteur. Je crois que je viens de voir passer son spectre. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. Tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. C'est le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. Et on va retrouver nos amis commentateurs au stade. Je crois qu'on a fait un petit saut dans le temps, il me semble. On va essayer d'avoir Magic. On a fait refonctionner, bien sûr, ce soir notre machine à remonter ou à avancer dans le temps. Magic, est-ce que vous nous entendez? Dites-nous où vous en êtes là. Oui, bonsoir. On est deux ans plus tard. On est toujours au stade Vélodrome. Et là, nous recevons toujours le Milan, toujours l'AC Milan en finale. Là, pour le coup, oui. Alors... L'Infini qui vient de dégager sur le côté, le match est arrêté pour l'instant, toujours 0-0 dans ce match. Alors là, les Milanais ont compris l'expérience, avec l'expérience, ils ont compris que l'Olympique de Marseille était désormais beaucoup plus fort que ce qu'ils imaginaient avant. Donc ils ont serré le jeu. Ils ont énormément serré le jeu, mais tous les supporters de Marseille poussent sur le côté avec Pelé, Chris Waddle, Didier Deschamps qui se fait contrer, le ballon est dégagé sur le côté, récupération Basile-Boli qui va donner un grand coup de pied devant, qui est à nouveau dégagé par Donadoni, récupération Didier Deschamps, Didier Deschamps qui perd le ballon sur le côté, les Milanais récupèrent, ça va très vite devant avec Richcard qui donne sur le côté, là-bas j'arrive pas à voir qui c'est, mais Basile, le grand Basile, est encore là, qui dégage sur la touche Jocelyn Angoma, c'était Jocelyn Angoma qui avait dégagé sur la touche, les Milanais reprennent le jeu, ça reprend de l'autre côté. Alors voilà, c'est un match très tactique pour l'instant, les deux équipes jouent très très bien le coup, on ne sait pas qui peut l'emporter pour l'instant. Roberto Baggio sur le côté droit, mais le ballon est sorti en 6 mètres. C'était pas Baggio, mais Donadoni qui est encore là. Je passe la parole à mon ami le shérif. Shérif, comment ça va? Comment vous le sentez ce match? Écoutez, je ne vous entends pas, Magic, je ne vous entends pas. C'est très tactique tout ce que je peux vous dire ici à la buvette. C'est vraiment très très serré. J'ai le coup de gauche d'un supporter milanais dans les côtes. Et le barman arbitre de la buvette n'a rien vu. Ça fait 3 tournées qui me passent sous le nez et je tiens à vous dire que ça commence à bien faire. C'est assez tendu, c'est assez tactique ici, assez serré. Hop là, je vois un débordement sur la gauche, Oui, débordement sur mon côté gauche. Allez, oh, ça va, non, c'est pour moi celui-là. Eh ben, c'est encore raté, décidément. Je vais botter en touche parce que je n'arrive à rien commander ce soir. Je suis désolé, mais je ne vous entends pas, Magic. Quelle énergie cet Abedi Pelé, il arrive sur sa trentaine et il est toujours aussi rapide, aussi tonique ce cher Abedi. S'il pouvait nous laisser quelques enfants au stade Vélodrome plus tard, ça serait magnifique. En tout cas voilà, corner sur le côté droit des cages du gardien milanais, c'est Abedi lui-même qui va se charger de tirer le corner. Écoutez, on joue là. Oh le but, mais qui c'est qui a marqué? Mais c'est Basile qui a marqué, Basile, oh là, c'est pour moi, celui-là, c'est pour moi, là, oui, c'est moi, c'est pour moi, Basile, par ici, Basile, elle est fraîche, Basile, merci, Basile. On a su sur l'équipe milanaise qui se croyait peut-être un peu plus forte, mais grâce à la finesse de Rudy Voleur qui va s'intercaler au milieu, qui laisse la place entière à Basile Boli, qui d'un coup de boule magistral vient tromper le gardien milanais qui ne peut plus rien, et ça fait 1-0 pour qui? Eh bien pour les Marseillais. À vous les studios. Et merci Magic. Merci Magic, merci Shérif pour ce grand moment de football encore que vous venez de nous faire vivre. On n'exclut pas de vous retrouver un petit peu plus tard au stade, on verra tout ça. Mais pour l'instant, on va continuer notre programme, cher Dundee. Yes, with something completely different. Yeah, but which is different? Sur les ondes, un tonnerre gronde, la saison prend fin ce soir. La galère ramène ventre à terre, des pirates à chaise à gare. Reprends tes aises, mets tes charentaises, la saison prend fin ce soir. Les forbans des nuits du lundi mettent au clou le Roger joli. Ah, oui, la saison prend fin ce soir. Pour ce microphage, ces radiopathes, cauchemar de l'audimat. Ah, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé, Wimboé. Sur le pont, un dernier tour de stade, les mutins sortent en braillant. Puis au bout de la planche, ces gibiers de potence entonnent un dernier salut. Ça chauffe ici, hein. Ça chauffe dans ce... très très chaud dans ces studios. Ça chauffe dans ce studio. Je ne sais pas comment ça se passe au stade. Je ne sais pas comment ça se passe en régie. Heureusement que tout le monde est en bikini. J'ai envie de dire. Je trouve que vous exagérez un petit peu quand même. Magic, au stade, est-ce qu'il fait chaud? Il fait ultra chaud. Manu, il fait ultra chaud. On vous entend pas bien, Magic. 1-0, je crois qu'on va la gagner pour une fois. On va la gagner. Oh, c'est énorme. On va la gagner, je crois. Excusez-moi, mais je me suis pissé. Je me suis pissé dessus. Ça ne m'était plus arrivé depuis mes 17 ans. Et c'est incroyable. Je crois qu'on va la voir, cette coupe. On va la voir, cette coupe, mon cher Manu. Voilà, allez, santé. Hey, quelle ambiance au stade de Munich, au stade où se joue ce match. Stade de Munich. Voilà. Au stade de Munich, apparemment. Alors, en Espagne. L'émission. Ou Munir, non Munir, au stade de Munir, oui, en Espagne, c'est bien ça. De Munir. C'est le moment de conclure cette émission qui aura été certes un peu courte, mais d'une intensité et d'une température sans égale. Interstellaire même, dirons-nous. C'est le moment de se dire au revoir, de dire au revoir à cette belle saison encore que nous avons fait tous ensemble. Ce dispositif des bâtons d'Anguirou, tous ensemble, ouais, l'immortel. Et à ce, je vous remercie du coup, chers amis, Dundee, Coach Luc, Brett, le shérif Magic, Rico et nos musiciens Alain et les Gilo Pétré qui nous accompagnent ce soir et qu'on est fiers d'avoir. Un groupe d'avenir. Un groupe climatique, donc forcément d'avenir. Mais The Anticyclone. Ah oui, peut-être. Alain dit Anticyclone. Ah, vous avez changé de nom dans la nuit. C'est plus international. À la faveur de l'automne. Oui, mais saurez-vous gérer les pro-cyclones? C'est une bonne question et on va en débattre. La lutte tout de suite. La longue lutte intestine des anti et des pro-cyclones. Pour se dire, dans la vie, il n'y a pas que du pour et du contre, les amis. Il y a aussi du gris. Les gris cyclones. Les médias cyclones. Alors, qu'est-ce qu'on se propose pour se dire au revoir? On chante encore une dernière fois et... Évidemment. Et alors, on nous demande de la pub, chose alors, rare ici, mais pub, avec quoi faire, avec la plaisir. Sera faite, la pub sera faite, chers la amis. La pub est prévue. La pub est prévue. Il n'y a aucun souci, mais on va commencer. Par contre, on peut commencer par la pub et refaire de la pub plus tard. Alors, il faut dire aux auditeurs que nos musiciens, ce soir Alain and the Anticyclone, ou Alain et les Gilo Pétré, selon le pays où ils se produisent, au sein de ce groupe tout nouvellement formé pour des bâtons d'Anguirou, sévissent deux musiciens qui font partie d'une autre formation, dont je vous laisse prononcer le nom. Mon cher Dundee, est-ce que vous le faites à merveille? C'est Wax Wax. C'est ça, hein. C'est comme ça qu'on dit. C'est Wax Wax. Wax Wax ou Ox Ox, selon les saisons. Et il se trouve qu'en ce moment, nos amis de Ox Ox font appel à la contribution citoyenne pour sortir leur premier album, pour enregistrer leur premier album. Et nous encourageons vivement les auditeurs de Radio Galère, même ceux qui trouvent des bâtons d'Anguirou insupportables, eh bien, nous les encourageons à promouvoir cette formidable musique, un style musical qu'on décrirait. Alors, pardon. Comment? Avec beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Car qui dit beaucoup d'argent dit beaucoup d'amour, effectivement. Tout à fait. Alors, sur la même longueur d'onde, comment ça me fait très plaisir. Comment pourrait-on décrire, mon cher Brett, mon cher shérif, si vous nous entendez cette fois-ci, le style musical de nos amis de Wax Wax? Écoutez, je ne vous entends toujours pas, mais au cas où, je suis en train d'écouter le dernier tube de Wax Wax. Et écoutez, c'est de la musique qui vaut bien une coupe, je tiens à vous le dire. Ouais. Une coupe de wax. Une formation qui est un trio composé de David Merlot, Damien Ravnich et de Virgile Abella. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire, mais en tout cas, c'est dans cet ordre-là que ça aura été. Tant qu'il y a David Merlot en premier, ça va. Et du coup, on peut retrouver les informations sur un site internet, je suppose. Alors, ox.com. Alors, comment s'écrit ox? Ça s'écrit H-O-A-X deux fois. Deux fois. Point. C-O-M. Comme, mais sans me, quoi. Canular, cette musique, c'est ça, non? Non, c'est un canular, c'est ça, non? On vous entend pas, shérif. Non, shérif, on vous entend pas. Mais on nous dit ici que c'est un canular. C'est assez étonnant. Non, très bon album en préparation. Tout à fait. Rouillez-vous sur le site. Alors, on signalera également que le troisième membre de Alain and the Gilo Pétré, Alain and the Anticyclone, la microquette se produit, lui, un peu partout à Marseille. On peut le voir. Ce sera demain soir. Terrasse, salle et tout ça. Voilà. Ouais. Demain soir au Monguiz, je crois. Au Monguiz, demain soir. Juste derrière le baby-foot. Voilà. Vous pouvez le voir à cet endroit-là et on le remercie vivement. Il a été parfait ce soir. Il a accompagné au pied levé deux musiciens professionnels et il s'est révélé très professionnel lui-même. On le remercie beaucoup. C'est l'homme à rencontrer, en effet. Oui, un message, si les auditrices veulent rencontrer un musicien, demain soir c'est Mungi. Voilà. Parce qu'on un musicien qui part peu en tournée, c'est quand même assez. C'est vrai que c'est sa particularité. Il joue toujours de la guitare avec le pied levé comme ça, sans caisse pour se reposer. Mais quand on dit Oma guitare, Oma. Oma ouais. Oma guitare fait mal. Allez, on se quitte en chanson pour ne pas déroger à la règle de cette soirée. Salut à toi Patrick Dimsit, salut à toi Michel Transit, salut à toi le Gitan, salut à toi Lou Marin, salut à toi Esther Samona, salut à toi la Jean Lin, salut à toi les Furies, salut à toi Lou Vincenti, salut à toi les Coolmen, salut à toi la Tobey, salut à toi Flo et Michel, salut à toi Estelle Chérel, salut à toi David Merlo, salut à toi Pascalou, salut à toi Aline Dalvis, salut à toi tous les Francis, salut à toi David Chauvet, salut à toi Croquinet, salut à toi Louride, salut à toi Bordnikov, salut à toi Martin Wilson, salut à toi Paul Armangos, salut à toi David Piss, salut à toi Valentine Lex, salut à toi Emma Bess, salut à toi Solal Boubou, salut à toi Samuel Rocher, salut à toi Joël Sambi, salut à toi Laurent Chaminas, salut à toi Marianne Murat. Salut à toi Lucille Camus, salut à toi Paul Pasquali, salut à toi Fat Freddy, salut à toi Edouard Jolie, salut à toi Oledorf, salut à toi Antoine César, salut à toi Jim Montera, salut à toi Peuple Grec, salut à toi Socagen, salut à toi Peuple et Culture, salut à toi Damien Ravnich, salut à toi Jérôme Bertin, salut à toi Thomas Quentin, salut à toi Stéphane Novak, salut à toi Jeanette Jonas, salut à toi Antoine Bouc, salut à toi Phil Fernandez, salut à toi Adrien Boss, salut à toi Lopani, salut à toi Pani. Pasolini. Salut à toi Pedro guitariste. Salut à toi Tonton Chris. Salut à toi Jaco Vergi. Salut à toi Brand Berger. Salut à toi les littorales. Salut à toi Eric Castel. Salut à toi François Beaune. Salut à toi la Golf Tourane. Salut à toi Gris Dupin. Salut à toi Justine Vidéo. Salut à toi Will Willy. Salut à toi Patrick Maitre. Salut à toi le Vicomte. Salut à toi Ben Fou. Salut à toi Président. Salut à toi Hervé Naran. Salut à toi Michael Alice. Salut à toi Alice Satriche. Salut à toi Timothe. Salut à toi Nicky. Salut à toi Olivier Laurent. Salut à toi. Bientôt. D'autres encore. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les éditeurs. Bonsoir, bonsoir et merci. Ce soir au Kazoo, donne des. Ce soir au commentaire, Magic et le shérif. Ce soir au micro, Coach Luc. Salut à toi tout le monde. Ce soir au micro également, Brett Fackler. Ouais, bonsoir. Ce soir à la basse, David Merlot. Ce soir à la guitare, Mathieu Farco. Ce soir à la batterie, Damien Ravlich. Et bonsoir à tous, à la saison prochaine. Et merci à Rico, au platine. Bonsoir à vous, Manuel. Salut les copains.